Dans cet évangile, Jésus dit « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Cette parole-là est belle, consolante. « Sois sans crainte, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » C'est une belle parole, facile à entendre quand tout va bien, mais quand il y a plein de choses qui vont pas dans notre vie, que ce soit dans le travail, dans la vie familiale ou amoureuse, ou s'il y a des grands conflits, même armés, dans notre pays, peut-on encore ne pas craindre? Peut-on vivre cette parole « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » À l'heure où on se parle, cette parole de Dieu, elle est lue dans tous les pays du monde. Alors qu'on sait bien que dans certains pays, il y a de grands conflits, de grandes détresses humaines. Comment faire pour vivre cette parole? Eh bien, il faut s'accrocher à ce moment-là aux promesses de Dieu et s'y accrocher dans la foi. Le Père Brice, je pense, a commencé une petite série d'homilies sur la rénovation ou la restauration, profiter de l'été pour se restaurer, se rénover. Eh bien, je vous propose ce soir la vertu théologale de la foi qui nous restaure. La deuxième lecture, celle de l'Épître aux Hébreux, a vraiment pour thématique cette foi qui nous permet de nous relever malgré toutes les épreuves, cette foi qui nous fait agir contre toute désespérance. La foi est le moyen de posséder déjà ce qu'on espère et de connaître des réalités qu'on ne voit pas. Peut-être certains le savaient, avec plusieurs de ceux qui sont là, là on est allé en Pologne, au JMJ. Donc la pape avait appelé tous les jeunes du monde à se rassembler pour vivre ces belles journées mondiales de la jeunesse. Et on a répondu à cet appel, c'était un superbe séjour plein de grâce. Mais l'une des choses qui m'a frappé personnellement, particulièrement, c'était de constater à quel point ce pays qui vivait les deux, trois dernières semaines tant de beaux événements et belles grâces, à quel point ce pays a d'abord souffert. Il y a 50-60 ans, c'était l'un des premiers pays envahis par les nazis dans cette terrible Deuxième Guerre mondiale qui a fait tant d'injustices, tant de sacrifices humains. On est allé à Auschwitz, ce lieu d'horreur, on pourrait dire, ce film d'horreur devenu réalité, où l'ingéniosité humaine a imaginé toutes sortes de stratagèmes pour offenser la dignité des personnes, des Juifs, mais aussi des Polonais, et aussi de nombreux catholiques, des prêtres aussi. Donc, ce peuple a entendu cet évangile qui n'est pas d'hier, et a entendu cette parole « Sois sans crainte, petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Comment ont-ils fait pour tenir dans l'espérance alors que tout extérieurement portait à désespérer? Eh bien, pour plusieurs, ils se sont accrochés à cette vertu de foi. Cette vertu de foi qui nous permet d'obtenir par avance ce qu'on n'a pas encore. Cette vertu de foi qui nous donne de voir plus loin, après la nuit, qu'est-ce qu'il y a? J'ai ramené des beaux souvenirs de la Pologne, mais aussi quelques petits microbes. Mais, donc la foi ici dans le texte aux Hébreux disait, grâce à la foi, Abraham obéit à l'appel de Dieu, il partit vers un pays lointain, il partit sans savoir où il allait, il a même vécu ses journées dans des campements. Donc, la foi ne nous donne pas le confort. D'ailleurs, le pape François nous a d'ailleurs adressé un appel à la vigile de sortir de nos divans. Alors, ce qui est un peu drôle, c'est que moi et Benoît, nous étions assis dans un divan hamac. Alors, on s'est regardé, on est resté dans notre divan, mais on a quand même pris cette exhortation du Saint-Père à sortir de notre confort, c'est-à-dire à se mettre en marche, pour notre foi et quoi qu'il arrive. Le texte dit aussi que c'est par la foi que Sarah a pu concevoir malgré sa vieillesse. Alors qu'elle était censée être stérile, elle était censée désespérer, eh bien non, par la foi, Dieu lui a dit, « Tu enfanteras un fils, et par ce fils, vous aurez une descendance nombreuse. » Notre foi, lorsqu'elle est pleine d'Esprit Saint, elle devient agissante dans la charité, même dans la nuit. À Auschwitz, on a visité la cellule où, entre autres, a passé Maximilien Kolb. Vous avez peut-être connu, c'est un prêtre catholique polonais de la branche des familles franciscaines. Donc, ce prêtre avait été emprisonné, il dérangeait trop, il était considéré dangereux par le régime nazi. Et même dans ce camp de concentration, il a continué d'avoir foi et de servir, d'être vigilant dans l'amour. Une de ses façons d'être vigilant dans l'amour a été, entre autres, de prendre les places les plus désagréables. On dit que les gardes, lorsqu'ils venaient réveiller les troupes, souvent frappaient le premier des détenus qui était sur le bord de la porte. Constatant cela, plutôt que ce soit d'autres qui se fassent frapper, eh bien, Maximilien Kolb allait se coucher là, près de la porte, pour prendre le coup, pour éviter que ce soit d'autres qui le reçoivent. Il voulait prendre sur lui, essayer de soulager un petit peu les misères de ses frères. Sa cité, elle était dans les cieux. C'est pour ça qu'il se permettait de vivre des choses difficiles ici-bas, mais dans l'espérance de cette cité où un jour il n'y aurait plus de larmes, plus de tristesse, plus de pleurs. Est arrivé un autre jour où un des prisonniers s'est évadé, mais les nazis avaient imaginé un système redoutable pour torturer même psychologiquement les évadés. Ce système était simple, il s'agissait de dire « si tu t'évades, tant mieux pour toi, mais alors on va tuer 10 de tes compagnons de ta cabane, de ta maison. Tu auras sur ta conscience les remords toute ta vie de leur vie. » Un jour s'évade donc un des hommes de l'habitation de la cabane de Maximilien Kolb. On choisit 10 personnes pour être tuées dans le bunker de la faim. Un de ceux-là s'effondre en larmes, c'est un père de famille. Il dit « Non, c'est pas possible, j'ai des enfants, j'ai une femme, il faut que je puisse les revoir, les aider, qu'est-ce qu'ils vont devenir ?» Entendant cela, Maximilien Kolb, vigilant dans la foi, vigilant dans la charité, se lève et demande aux gardes, « Laissez-moi prendre sa place. Laissez-le pour qu'il puisse un jour peut-être revoir sa femme et ses enfants. Je vais prendre sa place. » Ils ont accepté, ils ont rayé le nom, pris Maximilien Kolb, qui est allé dans ce bunker de la faim. Cette chambre de la mort qu'on a pu visiter, normalement de ces lieux, ce qu'il sortait, c'était des cris, des gémissements, des plaintes, mais parce qu'il y avait parmi eux ce Maximilien qui veillait dans la foi, l'espérance et la charité, il a réussi à restaurer ce qui n'était apparemment pas restaurable. Il leur a donné de l'espérance dans la nuit. Et ce bunker de la faim était devenue une chapelle ardente qui priait, qui chantait, qui louait le Seigneur. Finalement, malgré tout, évidemment, manque de nourriture et d'eau, ils se sont mis à mourir les uns après les autres. Le père Kolb les a veillés les uns après les autres, les soutenant dans la foi, l'espérance. Et lui-même, finalement, est resté le dernier survivant. Les bourreaux ont choisi de lui donner une injection létale pour achever ce temps qui devenait trop long. Mais lui, encore plein de bonté, comme un agneau conduit à l'abattoir, a persévéré dans la foi, l'espérance, ne désespérant même pas de son bourreau qui lui donnait la mort. Il a prié pour lui et finalement, Maximilien Kolb a gagné. Le bourreau, cet homme qui lui a donné la mort, a témoigné quelques années plus tard à son procès de béatification en vue de la canonisation, disant « Oui, cet homme était un saint. Cet homme a été vigilant dans la foi et l'espérance et la charité jusqu'au bout. » Ce soir, donc, je nous invite à communier un peu à ces grâces que nous avons vues, dont on a été témoin en Pologne. Si on les a vues, c'est pour vous les rapporter, ces grâces. Je vous invite et je nous invite à être vigilants dans la foi. Il y a eu plein de grâces sur notre terre canadienne et québécoise. Nos sanctuaires, si vous êtes déjà allé à l'oratoire Saint-Joseph ou à Saint-Anne-de-Beaupré, on voit plein de béquilles. Ce sont des ex-voto, ce n'est pas des béquilles achetées puis qu'on a pris comme décoration. Ce sont des gens qui étaient dans la nuit, dans la désespérance, mais qui ont crié vers le Seigneur et vers ses amis, vers Sainte-Anne, Saint-Joseph, Frère André ou la Vierge Marie. Aidez-nous, nous sommes dans la détresse, faites quelque chose. Et ce sont des gens qui ont été restaurés, relevés. Cette foi a fait des miracles dans nos histoires, dans notre histoire. Et dans chacun de nos villages, il y a des petits miracles qui ont été connus et rapportés. Faites parler vos grands-parents. Moi, j'en ai plusieurs. Je connais au moins 5 personnes. J'ai entendu 5 histoires de personnes qui ont été guéries de façon extraordinaire par l'intercession de Dieu directement ou de ses saints. Cette foi, elle est là aussi pour vous. Vous êtes la nouvelle génération qui doit faire travailler l'Esprit-Saint. Vous devez rendre active cette grâce de Dieu qui veut donner la vie, qui veut guérir, qui veut donner l'espérance dans la nuit. Frères et sœurs, je vous demande cette semaine de faire des actes de foi et peut-être vous joindre à la Vierge Marie. Vous savez peut-être qu'on est dans la neuvaine de l'Assomption, une grande fête mariale qui sera le 15 août. Eh bien, priez spécialement la Vierge aussi, qu'elle nous rapproche du Christ et qu'ensemble, on puisse ne pas désespérer, ne pas rester assis dans notre divan, devant notre télé, dans notre découragement. La foi, par la foi, Abraham s'est levé, s'est mis à agir. Par la foi, le peuple hébreu s'est levé et s'est mis à sortir de sa terre d'esclavage et aller traverser ce désert. Je vous invite ce soir à vous lever, à quitter vos langueurs, à quitter vos péchés pour dire non, il y a une autre vie possible, il y a une espérance possible et dès aujourd'hui, dès ce soir, on va travailler ensemble à la faire advenir. Oui Seigneur, restaure-nous, augmente en nous cette vertu théologale, ce cadeau qui vient de toi d'avoir foi et espérance qu'un autre futur est possible. Oui, Seigneur, cette Pologne qui a été si éprouvée, nous avons vu ces dernières semaines à quel point elle a brillé de toutes les couleurs de la foi vive des jeunes du monde entier. Là où le péché a abondé, ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, a surabondé. Donne-nous cette foi pour que même si le péché a abondé dans nos histoires, personnel, familial ou de pays, que ta grâce et ta miséricorde maintenant surabondent. Amen.